إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on a commencé hier, on a fait hier le cours numéro 6 et aujourd'hui on fait le cours numéro 7. Donc on a commencé la deuxième partie, Ar-Risalat al-Thaniya, dans l'introduction de Al-Usul al-Thalatha, et on a parlé donc de qu'est-ce qui est dit dans le début de cette deuxième partie, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre trois points. Puis là le cheikh il commence à énumérer les trois points, et le premier d'entre ces trois points c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé et que c'est lui qui nous donne le rizq, et qu'il ne nous a pas laissé comme ça sans but, sans raison, il ne nous a pas créé sans raison, il nous a envoyé des messagers pour nous expliquer comment l'adorer, puis pourquoi on existe et pourquoi on vit. Donc le cheikh explique ça. Il dit قوله الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا، بل قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وكان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله رزقنا لما كنا نحتاج إلى الرزق وإلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح، علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا ومن أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il commence en disant que le premier d'entre ces trois points c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a créés, c'est-à-dire il nous a créés à partir de rien. Il nous a créés à partir du néant. Hein? Et avant qu'il nous crée, on n'était rien. Avant qu'il nous crée, on n'était rien. Et il mentionne le verset 1 dans surat Al-Insan qui dit n'est-ce pas qu'il y a une période de temps dans laquelle l'être humain n'était même pas quelque chose de mentionnable, c'est-à-dire l'être humain n'était même pas mentionnable dans le sens qu'il n'était rien encore, hein, c'est-à-dire avant la création. Verset 1 dans surat Al-Insan, surat Al-Insan. Donc le cheikh il dit وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يلزي ensuite وقال سبحانه، et ensuite الله سبحانه وتعالى il dit dans le verset 9 dans surat Maryam et c'est ainsi que ton Seigneur dit que c'est quelque chose qui est facile pour lui, c'est quelque chose de facile pour lui de créer l'homme, et il t'a créé il t'a créé alors qu'auparavant tu n'étais rien. Il t'a créé alors qu'auparavant tu n'étais rien. Donc l'être humain il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et il était rien auparavant. Hein? Et c'est lui qui l'a créé, qui l'a fait exister à partir du néant. Et il mentionne le verset 35 dans surat At-Tur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce que ils ont été créés à partir de rien? Ou bien est-ce que ce sont eux-mêmes qui ont créé? Est-ce que ce sont eux les créateurs? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que c'est eux qui se sont créés eux-mêmes, les êtres humains? Ou bien est-ce que ce sont eux les créateurs? Est-ce que ce sont les êtres humains qui ont créé le monde? Non, hein, ça c'est impossible. Et donc, ça c'est pour expliquer en fait les preuves de Ar-Rububiyya, les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Ar-Rab, c'est lui qui est Al-Khaliq. Et en même temps pour établir et pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plein de preuves et plein de signes dans la création. Et parmi les signes et parmi les preuves, c'est justement hein, l'être humain, son existence lui-même, le fait qu'il existe. Et le monde qui est autour de nous, et le fait qu'Allah a créé tout ça à partir du néant. Et les preuves de l'existence de Dieu sont innombrables, innombrables. Hein? Et celui qui a des doutes en l'existence d'Allah, hein, en réalité, c'est parce qu'il ne veut pas chercher hein, à croire. Parce que les preuves de l'existence d'Allah sont innombrables, et il n'y a pas de raison pour un être humain d'avoir des doutes en l'existence du Créateur, puisqu'il n'y a pas de moyen de comprendre d'où est-ce que cette création-là peut parvenir et peut exister si ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Hein? Et toute autre explication que les kuffars essaient d'amener pour essayer de comprendre ou d'expliquer d'où est-ce que la création est apparue, eh bien ce sont des explications et des réponses qui sont insuffisantes, incomplètes, imparfaites et qui n'arrivent pas à satisfaire l'être humain et qui ne donnent pas non plus à la vie de l'être humain un sens et un but. Hein? Donc ça c'est donc des exemples qui montrent que Allah c'est lui Al-Khaliq, Al-Raziq. Hein? Il faut croire en ça, il faut être convaincu de ça, il ne faut pas avoir de doute en ça. Et ensuite, il dit « wa razaqana », c'est-à-dire qu'il nous a donné notre risque, il nous a créé. Et étant donné que on a besoin de subsistance, on a besoin de choses pour nous garder en vie, pour nous nourrir, on a besoin de nourriture, on a besoin de vêtements, on a besoin d'endroits pour nous abriter, des maisons, on a besoin de moyens de transport, des montures ou des voitures ou autres. Et on a besoin de toutes sortes d'autres bienfaits parmi les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Donc, étant donné qu'Allah sait qu'on a besoin de cette subsistance, eh bien, il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre pour nos besoins. Tout ce qui est créé dans les cieux et sur la terre, c'est pour nos besoins et c'est pour nous qu'il l'a créé, pour notre bienfait et pour qu'on puisse rester en vie sur cette terre et pour qu'on puisse nous aider de ces moyens-là. Il y a dans le but d'établir la raison pour laquelle Allah nous a créés, et c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Allah nous a créés, il nous a assujettis toutes ces choses-là sur la terre pour qu'on puisse établir l'objet et le but pour lequel on a été créé, c'est-à-dire d'adorer Allah. On a été créé pour adorer. Et donc, c'est pour ça qu'Allah a créé toutes ces choses-là sur la terre pour qu'on puisse les utiliser pour nous aider dans l'adoration d'Allah. قوله ولم يتركنا هملا الهمل هو الشيء المهمل المترك الذي لا يعبأ به فالله خلقنا ورزقنا لحكمة ما خلقنا عبثا ولا سدى قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Donc le cheikh explique, il dit ensuite que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit ولم يتركنا هملا, c'est-à-dire, il ne nous a pas laissé comme ça, sans raison, sans but. C'est-à-dire, il ne nous a pas créé et mis sur la terre, puis nous abandonné comme ça, sans raison, sans objectif, sans but. Il nous a créé, il nous a mis sur la terre, puis il y a une sagesse derrière notre création. Il y a un objectif, il y a un but, pourquoi il nous a créé. Et Allah ne nous a pas laissé comme ça, sans obligation, ou sans interdiction, ou sans règles. et obligations et règles et prescriptions religieuses à respecter. Non, il nous a révélé, il nous a envoyé des messagers avec des révélations qu'on doit respecter, qu'on doit suivre, et des lois et des règles. Et donc, il mentionne des preuves de ça dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 115 dans Sourate Al-Mu'minun. Le verset 115 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que vous croyez ou est-ce que vous pensez qu'on vous a créé comme ça sans raison, sans but, et que vous n'allez pas retourner vers nous? Hein? Est-ce que vous pensez que vous avez été créé comme ça par chance, par hasard? Hein, comme les koufars, ils croient par exemple que l'être humain il est apparu à partir d'une explosion, d'un Big Bang, ou d'une évolution qui est basée sur le hasard, hein, et qu'on évolue comme ça, puis qu'on ne va pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a été créé comme ça pour rien, et qu'on peut juste vivre comme ça pour manger, dormir, puis après on meurt, puis c'est fini. Hein. Donc ça, c'est la mentalité des koufars, des matérialistes, des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'ils pensent. Hein? Et donc le cheikh il mentionne d'autres versets à ce sujet-là, versets 36 et 37, non, ou de 36 à 38 dans Al-Qiyama, en sourate Al-Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce que l'homme pense qu'il a été créé sans responsabilité, sans devoir, sans obligation, sans raison? Hein? N'était-il pas une goutte de sperme, hein, qui est sortie, puis par la suite, hein, qui s'est développée en alaqa, hein, qui a été créée et qui s'est développée par la suite dans le ventre le ventre de la mère, hein, jusqu'à ce qu'il devienne une alaqa, quelque chose qui ressemble à un caillot de sang, ou quelque chose qui ressemble à, hein, un caillot de sang qui est tout petit au début, lorsque l'ovule elle commence à se développer, une fois que le fœtus commence à se développer, il ressemble, on dirait que c'est juste un petit morceau de sang, hein, au début, puis après ça se développe, ça grossit jusqu'à ce que ça devienne un être humain, puis que le bébé il sort par la suite du ventre de sa mère, hein. Donc ça, c'est la mentalité des koufars. Encore une fois, c'est l'idée des koufars que l'être humain il est créé juste comme ça par hasard, hein. Ils réfléchissent pas sur l'origine de l'homme, puis comment Allah l'a créé, comment Allah l'a fait développer, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de manière parfaite. Ils pensent pas à ça, ils réfléchissent pas à ça. Et ils utilisent pas ça comme, ils utilisent pas ces signes-là comme des moyens pour justement méditer et réfléchir sur le but de leur création et pourquoi ils ont été mis au monde. Donc le cheikh il dit dans le verset, il mentionne un autre verset encore, le verset 27 dans sourate Sa'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: on n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux inutilement, hein, ou en vain. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et entre les deux, Allah n'a pas créé ça en vain, pour rien, sans raison, sans sagesse. Hein? Et il dit: ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceci est l'idée ou la pensée, hein, des gens qui ont mécru. C'est ça qu'ils pensent, eux. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, et les hommes, pour rien. Ou bien certains d'entre eux, ils vont même nier que c'est Allah qui l'a créé, et ils vont juste dire, comme on a mentionné tout à l'heure, que tout ça s'est apparu tout seul, par chance, et qu'il n'y a pas de sagesse derrière ça, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Hein? Si tu demandes à des koufars, par exemple, pourquoi tu existes? Hein? C'est quoi le but de ton existence? Pourquoi il y a chaque jour le soleil qui se lève et qui se couche? Et toi, tu te lèves, tu te réveilles, tu manges, tu dors, tu te reproduis. Hein? Tu vas au travail, tu rentres à la maison, ta vie c'est comme ça. Mais tu te poses même pas la question, mais pourquoi tout ça existe? Et pourquoi ça se déroule de cette manière depuis des siècles? Et les êtres humains comme ça? Et puis tu réfléchis même pas sur l'objectif et le but qui est derrière ça. Est-ce que c'est juste comme ça qu'on vit? Hein? Il y a de l'injustice, il y a de la justice, il y a du bien, il y a du mal. Hein? Il y a des gens qui suivent le bien, il y a des gens qui suivent le mal, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont en bonne santé, il y a des gens qui sont malades. Hein? Tout ça se déroule autour de nous. Tout ça se passe de génération en génération. Et nous, on réfléchit même pas, on n'essaie même pas de savoir ou de comprendre pourquoi ces choses-là se passent ainsi. Hein? Donc, le cheikh, c'est le verset 27 dans surat Sad, la lettre Sad. Après, il dit « Fawailun lilladhina kafaru minan nar » Malheur aux gens qui ont mécru, à ceux qui ont mécru, d'un feu de l'enfer qui les atteint. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Il n'a pas créé les hommes en vain. Allahu innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq wal imkaniyat li hikmatin azima wa ghayatin jalila. وهي أن نعبده سبحانه وتعالى ولم يتركنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية وإنما خلقنا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit Allah il nous a créé cette subsistance, cette nourriture et ces biens qui sont autour de nous, et il les a créés ces choses là pour nous, et toutes ces capacités et ces moyens qu'il nous a donné, qu'il nous a créé, tout ça c'est pour une grande sagesse et un objectif et un but qui est noble, et c'est pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a pas créés comme les animaux ou comme les bêtes. Les animaux, elles ont été créées pour notre bienfait à nous, hein, et puis après ces animaux ils meurent et puis c'est fini, elles partent, hein. Mais les animaux, ils se posent pas la question. Les animaux, ils réfléchissent pas. Mais pourquoi on existe? Pourquoi on vit? À quoi ça sert? Hein? Si tu donnes à un animal un livre, ou tu lui fais entendre une conférence sur un sujet, sur la foi, ou sur l'iman, ou sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou si tu demandes à l'animal de faire la salat, hein? Ou tu parles avec un animal, est-ce qu'il comprend? Non. Est-ce qu'il réfléchit? Non. Donc il y a des animaux qui, parfois même, sont plus raisonnables que certains êtres humains. Allah al-Musta'an. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils ne dépassent pas la limite que Allah a établie pour eux. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et ils ont un instinct qu'ils respectent et qu'ils suivent. Par contre, chez les êtres humains, parfois on voit que ils dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont parfois dans des attitudes ou des comportements qui sont pires que l'animal. Hein? Pourquoi? Parce que Allah leur a donné les moyens et la capacité intellectuelle, hein, et l'esprit et l'âme pour réfléchir. Et malgré tous les moyens que Allah nous a donnés, on voit qu'ils ne les utilisent pas. Ils ne s'en servent pas pour essayer de comprendre, pour essayer de réfléchir, mais pourquoi on existe et pourquoi on vit. Certains, Allah al-Musta'an, les seules questions qu'ils se posent dans leur existence, ça se limite uniquement à leur passion, à leur désir, hein, et à satisfaire leur passion. C'est tout, hein. Et surtout quand on regarde les jeunes et on observe les jeunes ici, et d'une certaine manière, on dirait que la société qui nous entoure, on dirait que la société qui nous entoure les incite et les pousse justement à rester dans l'inconscience et dans l'indifférence et à continuer à se distraire et à vivre dans l'illusion. La société ou qu'est-ce qui nous entoure ne les pousse pas à se poser des questions sur le but de leur existence, sur la raison pour laquelle ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on dirait qu'on les incite et on les pousse à ne pas se poser ces questions-là. On les éloigne justement du fait de réfléchir sur ces choses-là pour ne pas qu'ils commencent justement à comprendre la raison pour laquelle ils ont été créés, puis qu'ils commencent à suivre la voie droite et le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour eux. Donc ils font exprès pour les distraire par toutes sortes de moyens. Par les films, par la télévision, par la musique, par les vidéos, par la télévision, par yani, maintenant il y a l'internet, il y a yani, toutes sortes de moyens comme ça que les gens, les jeux vidéo ou autres, et la drogue, hein, et l'alcool. Donc tout ça c'est des choses maintenant, les jeunes, sans parler des discothèques et des autres moyens, et des filles, yani, les filles qui courent après les garçons et les garçons qui courent après les filles, et qui font de ça un objectif dans leur vie et un but absolu parfois même. Hein, ça devient le but de leur existence. Pourquoi tu lui demandes pourquoi tu vis? C'est quoi le but de ton existence? Et tu sais, il y en a de trouver mon plaisir et de satisfaire mon désir. Et ça s'arrête là. Hein? Manger, dormir, se reproduire, s'amuser, jouer. Hein? Allah Musta'an. Et quand tu vois la mentalité de certains, surtout des jeunes actuellement, comme par exemple qui écoutent de la musique, que ce soit les jeunes qui écoutent du rap ou d'autres, et tu regardes qu'est-ce qu'ils montrent dans leurs images de vidéos, des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils essaient de véhiculer comme message ou comme image, et bien tu vois qu'ils véhiculent les images et les messages de tout ce qui a rapport des plaisirs de la vie, hein, de l'argent, des belles voitures, d'aimer par exemple, il y en a toutes sortes de perversités, et puis ils font de ces choses-là des buts et des objectifs dans leur vie, et ils oublient le vrai but et la vraie raison pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils pensent que le bonheur c'est ça, ces choses-là. Donc dans ces versets, on a la réponse pour ces gens-là. Que Allah ne nous a pas créés pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés sans raison et sans but. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pas comme les animaux. Il nous a créés différemment des animaux. Dans le sens qu'il nous a donné une raison. Il nous a donné une conscience pour réfléchir. Et il nous a, contrairement aux animaux, il nous a donné des responsabilité et des ordres à suivre et à respecter. Il nous a ordonné de faire certaines obligations religieuses et des responsabilités religieuses, et nous a interdit des choses également pour notre bien. Tout ça, donc, c'est pour montrer que les animaux sont créés pour nous, pour les créatures. Puis nous, on est créés pour adorer Allah. Et il mentionne le verset 56 et 58 dans Surat Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de leur part une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. C'est moi, hein, il dit, c'est Allah certes qui est celui qui pourvoit la subsistance et qui est détenteur d'une grande force et qui est inébranlable. Zariyat. Naam. C'est après Surat Qaf, ça veut dire, je pense que le verset 56. Az-Zariyat, ça doit être peut-être 61 ou 51. Ok, le Cheikh dit: Walam yakhluqna li hadhihi al-hayati ad-dunya faqat, وليس بعدها شيء، وإنما الحياة مزرعة وسوق سوق للدار الآخرة، نتزود فيها بالأعمال الصالحة، ثم نموت وننتقل منها، ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. Donc le Cheikh il dit, Allah nous a pas créé uniquement pour cette vie d'ici-bas. Il nous a pas créé uniquement pour qu'on vive dans cette vie d'ici-bas seulement, on vit, on s'amuse, hein, on mange, on boit, on se laisse aller dans la vie, on profite des largesses de ce qui est dans ce monde, hein, et puis après, il n'y a rien. Non. Cette vie d'ici-bas qu'on est en train de vivre maintenant, en réalité, c'est le champ de l'amour de l'au-delà. Dans le sens que dans cette vie, on sème. Donc on est comme des cultivateurs dans cette vie, on travaille. Comme le cultivateur, quand il veut semer dans son champ, il sème, puis par la suite vient la période de la récolte. Eh bien, c'est la même chose pour le croyant dans cette vie. L'être humain, il doit voir cette vie d'ici-bas comme étant un champ. Mais la récolte, elle n'est pas dans ce monde. La récolte est dans l'autre vie, après la mort. D'accord? Donc, dans cette vie, c'est le moment de travailler. C'est le moment de semer. C'est le moment de mettre le plus d'efforts pour, justement, par la suite, que tu sois capable de récolter une meilleure récolte. Hein? Donc, c'est comme un marché aussi. C'est comme comparable à un marché dans lequel tu viens essayer de faire ton commerce pour te procurer le plus de provisions pour ton au-delà. Le plus de provisions possible pour qu'est-ce qui t'attend dans la vie après la mort. Et c'est pas avec de l'argent que tu achètes l'au-delà. C'est avec des bonnes œuvres. Avec une bonne croyance et avec des bonnes œuvres. D'accord? C'est avec ça que tu vas gagner ton au-delà. Puis, après, il y a la mort. On quitte cette vie. Et ça, c'est une réalité que tout le monde doit affronter un jour ou l'autre. Même les gens qui vivent pour cette dunya, qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala, qui vivent pour satisfaire leurs désirs, ils vont tous avoir à faire face à une réalité absolue. Dans l'au-delà, c'est la mort. Dans cette vie, avant l'au-delà, c'est la mort. C'est-à-dire que même s'ils nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils nient l'existence d'une vie après la mort, il y a une réalité qu'ils ne peuvent pas nier, c'est la mort elle-même. Parce que tout le monde est certain qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Mais il ne sait pas quand. Personne ne sait quand. Et il n'y a pas un âge spécifique pour mourir. Et il n'y a pas un moment spécifique pour mourir. Ce n'est pas vrai que pour mourir, la mort c'est juste pour les personnes qui sont âgées et que les jeunes, eux, ils peuvent vivre. Non, peut-être que tu es jeune, tu meurs. Wa alaykoum salam, rahmatullah. Il y a des enfants qui meurent. Hein? Donc tu peux être un enfant et tu meurs, tu peux être un jeune homme et tu meurs, et tu peux être une personne âgée et tu meurs. Donc il faut comprendre que ça c'est une réalité à laquelle on a tous à faire face et qui devrait nous pousser à réfléchir, qui devrait nous pousser à réaliser et à chercher à comprendre et à trouver des réponses. Chacun d'entre nous. Bon, nous, on est musulmans, alhamdoulilah, les réponses, on les a trouvées dans le Coran et dans la Sunna. Mais pour les autres qui sont dans la mécréance ou dans l'égarement ou dans l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils doivent eux aussi se réveiller, réfléchir. Et ça, c'est un bon moyen de faire la da'wah aux kuffars aussi. Lorsque vous rencontrez des personnes qui ne sont pas musulmanes, peu importe leur religion, des fois, c'est des gens qui croient en un messager ou un prophète précédent, ou un livre précédent. Mais des fois, c'est des gens qui ne croient pas en un livre, qui ne croient pas en un messager. Ils sont des athées ou des bouddhistes, hein, ou des matérialistes. Ils n'ont pas une religion spécifique. Donc, à ceux-là, un des moyens de leur faire la da'wa parfois, c'est de leur faire réfléchir justement sur le but de leur existence. Pourquoi ils existent? Et parfois, des gens qui vivent comme ça, comme inconsciemment, sans réfléchir, sans se poser de questions, au jour le jour, hein, ils font que s'amuser. Tu lui dis, mais à quoi ça sert tout ça? Et tu sais qu'on va tous mourir, et quand on va mourir, on va rien amener avec nous. Hein? Est-ce que tu as réfléchi à justement ta mort? Et qu'est-ce que ça va servir justement de faire tout ce que tu fais si justement après ta mort tu risques justement d'être puni pour la façon dont tu vis? Et donc de les faire réfléchir en leur posant ces questions-là. Et un jour ou l'autre, c'est certain que la personne, elle doit se poser cette question. Et elle doit se remettre en question, elle doit se poser des questions justement pour ça, par rapport à ces choses-là. C'est une réalité humaine, peu importe la religion que ces gens-là peuvent suivre, c'est sûr qu'ils se sont posés ou ils vont se poser un jour ou l'autre la question. Et lorsqu'ils arrivent à se séparer de leur entourage qui les bloque ou qui les enferme dans leurs distractions et dans leurs divertissements et dans leur inconscience, et qu'ils arrivent à s'éloigner un peu de ça, puis à commencer à réfléchir sur pourquoi on vit, pourquoi on existe et pourquoi Dieu nous a créés, parce que c'est sûr que Allah existe et qu'il nous a créés. Donc s'il nous a créés, il y a sûrement une raison derrière ça. Donc du moment que tu commences à réfléchir à ces choses-là, ça c'est le premier pas vers la guidance. Hein? Et même moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, C'est sûr qu'on avait appris ces choses-là des fois même, même dans le christianisme, des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui te frappe. Tu arrives à un certain âge, surtout quand, comme si, quand tu commences à atteindre un certain âge, là, t'es un peu plus conscient de la réalité du monde dans lequel tu vis. Quand t'es un enfant, tu réfléchis pas tout le temps à ces choses-là. Mais quand tu arrives à un certain âge, 12 ans, 13 ans, tu commences à te poser plus de questions sur ça. Parce que tu vois le monde qui est autour de toi, tu dis, mais, comme si je suis là sur une planète, Allah m'a créé dessus, il y a les étoiles, il y a le ciel, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les hommes qui se lèvent et qui se dorment, qui mangent, qui bougent, qui se promènent, qui font toutes sortes d'activités, qui adorent toutes sortes de choses, qui suivent toutes sortes de religions. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais derrière tout ça, il y a une réalité. Et pourquoi donc Allah nous a créés comme ça et nous a mis sur cette terre? Et c'était quoi le but? C'est quoi l'objectif? On réfléchit à ces choses-là, on cherche des questions, on cherche des réponses à ces questions, et quand on les trouve, quand on les cherche sincèrement, et quand on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les trouver, ces réponses-là, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Le Cheikh il dit: وهذه هي الغاية من خلق الجن والإنس والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب والعقل يدل على هذا فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة هذا عبث فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطى ما يشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويتعدي عليهم ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ثم ما أصابه شيء من العقوبة هل يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وبحكمته أن يترك هذا المضيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فتظهر فيها ثمرات الأعمال. Donc le Cheikh il donne un point ici qui est très très important. Il dit: il y a un but dans la création de l'homme et des djinns. Et c'est ça le but, c'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fasse les bonnes œuvres qui vont nous amener dans l'au-delà à être dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de ça, les preuves de ça sont nombreuses. Les preuves de la résurrection, qu'on va être ressuscité, qu'on va être rassemblé après la mort, qu'on va être rétribué selon nos actions et qu'on va être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Il y a plein de preuves de ça, plusieurs preuves de ça, et parmi ces preuves-là, il y a même des preuves de la raison, des preuves logiques de ça. Dans le sens que si on regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut comprendre que ça ne convient, il ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ait créé toute cette création, et qu'il ait assujetti tout cet univers au fils d'Adam, puis qu'il les laisse mourir et partir sans aucun résultat. C'est-à-dire, ça ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa sagesse infinie et parfaite, qu'il nous crée comme ça sans raison et sans but et sans objectif, et qu'il ait créé cet univers qui est autour de nous et qu'on peut voir avec nos yeux, sans raison. Et quand on observe et quand on calcule et quand on regarde avec quelle minutie et avec quelle perfection Allah a créé tout ce qui existe autour de nous, c'est impossible pour nous de s'imaginer qu'il n'y a pas un but plus grand derrière tout ça. Et donc, s'il avait fait ça pour rien, ce serait en vain, ce serait inutile. Donc ça voudrait dire qu'on serait en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala de faire des choses sans raison, sans objectif, sans but, hein, sans dessein, hein. Et donc ça c'est pas acceptable et c'est pas correct. On ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala d'être, hein, avec ces caractéristiques-là, de faire des choses sans raison ou sans but ou sans sagesse. Donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui en découle, qui en résulte, c'est-à-dire de nos actions qu'on fait dans ce monde. Il faut qu'il y ait des répercussions et des résultats de ça dans l'au-delà. Hein? Pourquoi? Parce que quand on regarde dans qu'est-ce qui se passe dans ce monde, on peut témoigner parfois, on peut être témoin, on peut voir de qu'est-ce qui se passe chez les œuvres des hommes, des gens qui passent leur vie dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, à faire le bien. Pourtant, malgré qu'ils font le bien et qu'ils vivent dans le bien, ils vivent dans la pauvreté et dans le besoin pendant toute leur vie, hein? Et ils vivent opprimés, hein? Ils ont de la pression sur eux, ils sont on leur donne des difficultés, des problèmes, hein? Ils vivent une vie très très difficile et ils n'ont rien comme rétribution, comme récompense pour le bien qu'ils font dans cette vie d'ici-bas. Rien du tout. Toute leur vie, c'est de la souffrance et des problèmes et des ennuis et de la pauvreté et des maladies et des ennuis. Hein? Il y en a déjà, c'est comme ça. Malgré que ce sont des hommes justes, honnêtes, hein, vertueux, qui croient en Allah et qui craignent Allah et qui obéissent à Allah, mais ils n'ont pas aucune récompense de la part d'Allah pour tout ce bien-là qu'ils font dans cette vie, dans cette vie d'ici-bas, dans ce qui est apparent. On ne peut pas voir ça. Tandis que tu vois de notre côté le contraire de ça. Un homme kafir qui rejette la foi en Allah, qui renie les grâces d'Allah, qui est athée, qui vit dans le mal et dans la débauche, dans la perversité, hein, dans l'alcool, dans la drogue ou les autres péchés, la fornication et autres, qui passe sa vie dans ça et qui vit comme parmi les gens riches de ce monde, hein, qui vit dans des palais avec les voitures les plus luxueuses et avec les femmes les plus belles de ce monde, et qu'ils vivent dans le plaisir et le confort, comme Pharaon et comme d'autres à notre époque aussi, qui vivent dans cette situation-là, et pourtant qui ne font que remplir le monde de perversité, de péché, de désobéissance d'Allah. Toute leur vie, ils ne font que désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils jouissent de tous les plaisirs, et ils font de l'injustice aux hommes, et ils transgressent les limites d'Allah, et ils volent et mangent les biens des autres, et ils tuent même parfois les hommes sans que ce soit justifié, et il fait preuve d'oppression, hein? Puis il meurt dans cet état-là. Il meurt dans cet état-là sans qu'aucune punition le touche dans cette vie, sans qu'il soit jamais jugé ou puni pour qu'est-ce qu'il a fait de mal dans ce monde. Donc c'est pour dire, est-ce que vous voyez ces deux cas-là, ces deux exemples qu'on a montrés? S'il n'y avait rien après la mort, ce serait injuste de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser les choses de cette manière-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est d'une justice infinie, hein, d'une justice parfaite. Hein. Donc on ne peut pas attribuer ce genre de choses, hein, de dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas, il y a pas, de dire qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a pas de justice après la mort, on ne peut pas attribuer ça à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est correct par rapport à la justice d'Allah, par rapport à sa sagesse, que celui qui fait de l'obéissance, il n'a pas de récompense, et celui qui désobéit, qui rejette la foi, il n'est pas puni. Ça, ça ne convient pas à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que dans l'au-delà, après la mort, il y ait une rétribution et une justice. Hein? Celui qui a fait le bien, il va être rétribué pour le bien qu'il a fait, récompensé. Et celui qui a fait le mal, il va être rétribué pour le mal qu'il a fait, il va être puni. Et ça, c'est le fruit de nos actions, le fruit de notre croyance. Et chacun va avoir ce qu'il a mérité. Donc ça, c'est la justice. Hein? Et quand quelqu'un, il a cette foi-là dans son cœur, il sait que peu importe dans la situation, parce que peu importe dans la situation dans laquelle tu vis dans ce monde, c'est Allah qui t'a mis dans cette situation-là. C'est lui qui a prédestiné cette chose-là pour toi. Si tu es né d'une famille pauvre et que tu es pauvre dans cette vie, ou si tu es né dans une famille riche et que tu vis dans la richesse et dans le bonheur dans cette vie, le bonheur matériel, ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné. Si tu es né dans une famille chrétienne ou juive ou athée, c'est Allah qui l'a prédestiné pour toi. Si tu es né dans une famille croyante, musulmane, salafie, qui est sur la sunna, ça c'est Allah qui l'a prédestiné pour toi. Mais il a mis les hommes dans des situations comme ça pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Pour voir, est-ce que celui qui a reçu le bien, il va être reconnaissant? Est-ce que celui qui était dans une difficulté, est-ce qu'il va être patient et endurant? Et voir, est-ce que chacun va être capable de se sortir de la situation dans laquelle il est et d'être sur le droit chemin, selon la situation dans laquelle Allah selon la situation dans laquelle Allah l'a mis. Parce que c'est une épreuve pour tout le monde. Et il y en a qui pensent que l'épreuve c'est seulement pour le pauvre, parce que lui il souffre et il n'a pas de moyens. Et ils pensent que le riche lui il n'a pas d'épreuve. Non, l'épreuve du riche c'est sa richesse, et l'épreuve du pauvre c'est sa pauvreté. Pensez pas que le riche il n'est que dans le bonheur, ou que le riche il n'a pas d'épreuve, que Allah l'éprouve pas. Non, il a des épreuves lui aussi. Quand il est riche, il doit faire preuve de générosité, il doit donner de ses biens, il doit aider les pauvres, il doit donner à chacun de ceux qui ont un droit sur lui. Hein? Tout ça c'est des tests, c'est des épreuves que Allah lui donne. Il doit faire attention de dépenser son argent uniquement dans le halal et de l'investir uniquement dans ce qui est halal, et d'utiliser son argent et son risque dans l'obéissance d'Allah. Ça c'est une épreuve, parce que si la personne elle n'a pas de crainte d'Allah et qu'elle a beaucoup de richesses, elle peut faire plus de mal que de bien, et elle va être donc punie plus que le pauvre. Le pauvre aussi, c'est la même chose. C'est une épreuve pour lui d'être pauvre. Et lui, Allah le teste dans sa patience. S'il est endurant, et s'il fait preuve de patience, alhamdoulilah, s'il n'est pas de patience, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être s'objecter à la sagesse d'Allah et à sa prédestinée. Il va peut-être essayer de voler, de faire des crimes, de gagner de l'argent illicitement pour essayer de sortir de la pauvreté. Et ça fait partie des épreuves. Hein? Donc, tout ça, il y a une sagesse, et si quelqu'un est dans une situation dans cette vie, qu'il soit riche ou pauvre, l'important c'est qu'il craigne Allah dans la situation dans laquelle il est. Et c'est ça ton épreuve. De craindre Allah, peu importe la situation dans laquelle tu vis. Hein? Et selon l'état actuel. Allah t'a créé un homme, et bien d'être un homme c'est ton test. Allah t'a créé une femme, ton épreuve c'est d'être une femme. Et il t'a testé avec les tests qui sont reliés avec ça. Parce qu'il y en a qui disent, moi je suis un homme, donc Alhamdulillah, Allah t'a créé un homme, t'as les responsabilités et les devoirs qui incombent à l'homme. Allah t'a créé une femme, t'as les responsabilités et les devoirs qui incombent à la femme. Mais il y en a qui rejettent ça et qui disent, non, moi je suis une femme et je veux être comme un homme. Et il y en a des hommes, maintenant ils veulent devenir comme des femmes. Allah m'stan. Donc, ils ne réalisent pas que Allah les a créés dans la situation dans laquelle ils sont pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Et pour voir comment ils vont craindre Allah dans la situation dans laquelle ils sont. Peu importe. Il y en a qui naissent aveugles. Il y en a qui naissent muets. Il y en a qui naissent infirmes. Qui ont des maladies. Il y en a qui naissent en bonne santé. Hein? Peu importe dans la situation dans laquelle tu es, où tu nais, où tu vis. Allah te met dans cette situation-là pour te tester. Et pour, c'est une épreuve et un test pour toi. Et tu seras récompensé selon tes moyens, selon ta capacité, selon tes aptitudes. Barakallahu fik. Donc, le cheikh, il dit que tout ce qu'on va recevoir, c'est le résultat de nos œuvres. Et donc, ça veut dire que peu importe comment on a vécu dans cette vie, on va être récompensé ou puni selon qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a cru dans l'au-delà. T'as souffert dans cette vie, t'as été pauvre dans cette vie, t'as été malade dans cette vie, mais t'as craint Allah et t'as été patient. Dans l'au-delà, tu vas être récompensé, tu vas être heureux. Tu vas vivre dans le paradis. T'as été riche, t'as été malhonnête, t'as fait du mal, t'as eu du plaisir dans cette vie éphémère. Tu vas payer pour ça dans l'au-delà parce que t'as pas obéi à Allah. Mais si t'as été honnête et que t'as été juste avec ta richesse, Allah va te rétribuer, va te récompenser. Et il va te donner plus que qu'est-ce que tu avais dans cette vie. Et quand tu vas arriver dans l'au-delà, tout ce que tu avais dans cette vie, tu vas considérer comme si c'était rien par rapport à qu'est-ce que tu avais dans cette vie. Hein? Toutes les richesses que tu pouvais avoir dans cette vie, par rapport, qu'est-ce que tu vas avoir dans l'au-delà, c'est qu'est-ce que tu as eu dans cette vie, c'était rien. Hein? Même un grain de raisin que tu vas avoir au paradis, te fera oublier les plus grands plaisirs et les meilleures choses que tu as pu avoir dans cette vie d'ici-bas. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh dit, « Fat dunya daru amal, amal akhiratu fahiyya daru jaza imma janna wa imma nar. Lam yatrukna hamalan kama yadhunnu al-malahida wa al-dahriyoun. Qala ta'ala, وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور وقد أنكر الله عز وجل عليهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا لا يمكن ولا يكون أبدا Donc le cheikh il explique que la dunya c'est la demeure du travail pour nous. C'est notre lieu de travail, la dunya. C'est-à-dire cette vie d'ici-bas. Et l'au-delà, c'est la demeure de la rétribution. C'est là qu'on va avoir notre récompense. Soit le paradis, ou soit l'enfer. Donc Allah, il ne nous a pas laissé comme ça en vain, sans but, sans objectif, sans responsabilité, sans devoir. Contrairement à ce que s'imaginent les athées hein, et les matérialistes qui ne croient qu'en cette vie d'ici-bas, qui ne croient qu'en ce monde éphémère, qui croient qu'il n'y a rien après. Tu vis et tu meurs et c'est fini, après il n'y a rien. Hein, comme le disent certains, Allah al-Musta'an, parmi les kuffars aujourd'hui. Donc le cheikh il mentionne des versets de ça dans le Coran. Le verset 24. Dans Surat al-Jathiyah. Et quand tu lis ces versets-là, on a l'impression qu'ils sont révélés aujourd'hui, pour notre époque. Surat al-Jathiyah. Je ne sais pas le numéro, al-Jathiyah. C'est là. L'agenouillé. Surat 45. Donc, le cheikh, il mentionne ce verset 24 dans Al-Jathiyah qui dit, et ils disent, c'est-à-dire les kuffars, ils disent, il n'y a que notre vie d'ici-bas. ما هي إلا حياتنا الدنيا. Il n'y a que notre vie d'ici-bas. نموت ونحيا. On vit, on meurt. وما يهلكنا إلا الدهر. Et rien ne nous fait périr que le temps qui passe. Il n'y a rien qui nous fait mourir excepté le temps qui passe. C'est-à-dire que c'est juste une succession du jour et de la nuit, hein, le soleil et la lune qui s'intercèdent un l'autre, hein, qui se suivent les uns les autres, et c'est ça qui nous fait mourir. C'est comme un peu comme les matérialistes qui disent que, qui croient que cet univers, elle est infinie. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et que rien ne se perd, rien ne se crée dans l'univers, dans le sens que le monde n'a pas été créé par Allah. Et il n'est pas détruit non plus, il fait juste se transformer. Éternellement. Sans début, sans fin. Hein? Il ne croit pas en l'existence d'un créateur. Hein? Et il croit en toutes sortes d'idéologies, par exemple, comme la réincarnation. Ils disent, quand tu meurs, tu rentres dans ton âme, elle rentre dans un autre corps. Et quand l'autre corps il meurt, tu rentres dans un autre corps. Puis quand tu meurs encore, tu rentres dans un autre corps, puis un autre corps, puis un autre corps, puis un autre corps. Jusqu'à ce que tu sortes de ce cycle pour arriver avec, faire un avec l'univers. Comme la croyance des hindous, des bouddhistes, certains d'entre les hindous et des bouddhistes qui croient que l'âme de l'homme, hein, c'est comme si elle est emprisonnée dans la chair. Il faut qu'elle se libère. Puis, si elle veut se libérer, elle doit atteindre le nirvana, un niveau très élevé, puis qu'elle sort de son corps, elle devient un avec l'univers. Et il y a des soufis qui croient en des idées comme ça. Parmi les gens qui croient en l'hulul ou en wahdatul wujud, ils croient que l'âme, hein, le corps et l'âme, hein, quand quelqu'un atteint un niveau très élevé de foi, de spiritualité, il devient un avec Allah. Ça, c'est des idées de kouf, de shirk. Mais c'est des idées qui existent. Et c'est des gens qui croient en ces idées-là, c'est des matérialistes. Parce qu'ils ne font aucune distinction entre le créateur et la créature. Entre Allah et qu'est-ce qui n'est pas Allah. Donc, ils mélangent le créateur et la créature entre elles. Hein, ils appellent au shirk. Ouais, mais c'est pas seulement les bouddhistes ou les soufis. Les gens qui ont ces idées-là, on les retrouve dans toutes les religions. C'est-à-dire, on retrouve de ces gens-là qui sont parmi les hindous, parmi les bouddhistes. On en retrouve parmi les musulmans, ceux qui se disent soufis, dans les turcs. Ils ont ces idées-là. Et on en retrouve chez dans la mystique juive. Et on en retrouve dans la mystique chrétienne. Et dans la plupart des religions, tu trouves des gens qui ont ces idées-là dans les différents groupes de soi-disant, qu'est-ce qu'ils appellent le mysticisme. C'est basé là-dessus, hein, ces idées-là. Donc, le cheikh, il mentionne donc ce verset qui dit, il pense qu'il n'y a que cette vie d'ici-bas, et que c'est juste le temps qui les fait mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont aucune science à ce sujet-là, ils font que faire des conjectures et des suppositions. Ils n'ont aucune science certaine à ce sujet-là. Ils parlent sans connaissance à ce sujet-là. Ils font juste essayer de supposer. Peut-être que, peut-être, mais ils ne savent rien avec certitude. Hein? Même la réincarnation, tu demandes à ces gens-là, est-ce que tu dis que l'être humain, quand il est mort, il rentre dans un autre corps? Quand il rentre dans un autre corps, son âme, est-ce qu'il se souvient de son autre vie avant? Non. Donc, comment il peut évoluer ou apprendre s'il revient toujours à zéro à chaque vie? Et les âmes qui rentrent dans les nouveaux corps, étant donné qu'il y a toujours une augmentation de la démographie dans l'humanité, que les corps augmentent, les nombres d'êtres humains augmentent, et qu'à la base, il supposait qu'il y avait quelques âmes seulement, deux, et d'où sont venues les autres âmes, les nouvelles âmes? Hein, s'il y a une réincarnation. Chaque fois qu'un bébé naît, la nouvelle âme vient d'où? Hein? Et aussi, tu dois te poser la question par rapport à ces idées-là. Si tu reviens à zéro à chaque fois, donc ça veut dire que c'est un cercle vicieux, tu tournes en rond. Hein? Puisque tu ne peux pas apprendre, si tu ne veux pas apprendre des leçons de ta vie précédente. Hein? Et tu ne peux pas savoir d'où tu viens. Ils disent que si tu es un bon être humain, tu vas réincarner dans une caste supérieure. Si tu es un mauvais être humain, tu vas te réincarner dans une caste inférieure, ou même dans des animaux, même parfois. Donc, où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Et où est-ce qu'il est le bon sens là-dedans? Hein? Et c'est pour ça que tu trouves ces gens-là, ils se suicident tout le temps. Parce qu'ils disent, ah, cette vie, elle n'est pas bonne, je vais me réincarner dans une autre vie, ils se tuent. Hein? Chez les hindous, on trouve plein de suicides comme ça. Non, c'est connu. Nous, on dit non, il y a une vie que tu vis et tu seras jugé pour cette vie-là. Tu vas mourir et ton âme, elle reste en attente jusqu'au jour de la résurrection. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va insouffler ton âme dans ton corps encore une fois pour que tu sois ressuscité devant Allah et par la suite, c'est soit le paradis ou soit l'enfer. Hein? Donc ça, c'est à ce sujet-là. Le cheikh dit donc, ça c'est la pensée, ceux qui disent, hein, les athées et les koufars, c'est ça qu'ils ont comme idéologie. Il y en a qui ne croient même pas en la réincarnation, ils ne croient en rien du tout. Ils croient juste que ça y est, tu vis, puis tu meurs, quand tu es enterré, tu deviens de la poussière, puis c'est fini. Et il y a les témoins de Jéhovah aussi, qui prétendent qu'ils croient en Dieu et tout, et puis pourtant, quand ils parlent de ils ne croient pas en l'enfer, ils croient juste au paradis, les témoins de Jéhovah. Ils disent non, il n'y a pas d'enfer. Ceux qui meurent, qui ont fait le mal, ils vont juste arrêter d'exister, ils vont juste disparaître. Et ils disent c'est cruel qu'il y a un enfer. Hein? Celui qui meurt, c'est fini. S'il a fait le mal, il va juste disparaître, il ne va pas être puni dans un feu éternel. Ils disent si tu te brûles, tu brûles une fois, puis c'est fini. Tu deviens de la poussière. Donc, ça se peut pas que tu brûles éternellement. Hein? Ils pensent que, premièrement, ils pensent que le feu de l'enfer, c'est comparable à le feu d'ici-bas, puis que, yani, tu brûles une fois, puis c'est fini. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran à ce sujet-là. Il dit, à chaque fois que leur peau est calcinée et brûlée, on leur change leur peau, leur donne une nouvelle peau pour qu'ils goûtent le châtiment. Hein? Donc ça, c'est pour dire que il n'y a pas une fois tu brûles puis c'est fini. C'est pas, hein? Et même pour les réfuter, ces gens-là, même dans leur propre livre à eux, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tu vois, et les mentions, yani, qu'il y a un enfer, et même dans les paroles qu'ils ont attribuées à Jésus dans leur livre, c'est écrit, ils seront dans le feu éternel avec les pleurs et les grincements dedans. Avec les pleurs et les grincements dedans. Donc c'est écrit ça dans leur livre, le feu éternel. Comment ils peuvent par la suite dire non, il n'y a pas un feu éternel? Ils disent non, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose et tout. Ils essaient de déformer le sens, comme les Asha'ira quand ils déforment les attributs d'Allah. Hein? Ils jouent avec ça. Mais al-jannatu haqq wa an-nar haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis est véridique et l'enfer est véridique. Hein? Et quand tu rentres, si quelqu'un rentre dans l'enfer, bon, c'est sûr, s'il est mu'min et qu'il a fait des péchés, s'il rentre en enfer, il va sortir après. Mais le mushrik ou le kafir, il est éternellement en enfer, il ne va jamais sortir. Donc ensuite, le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala les a également réfutés et réfuté dans qu'est-ce qu'il mentionnait par rapport à leurs fausses croyances, par rapport justement à prétendre que celui qui meurt c'est fini. Quand il meurt c'est fini. Qu'il ait fait le bien ou le mal, c'est la même chose. Il va mourir et c'est fini après. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Donc ça veut dire que pour eux, de faire le bien, c'est la même chose que de faire le mal. Et que celui qui fait le bien, il n'a pas plus de récompense ou n'a pas plus de mérite que celui qui fait le mal. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous faites des lois et pourquoi vous interdisez les gens de faire des choses qui sont mauvaises et que vous les menacez de les mettre en prison et que vous les enfermez que vous leur donnez des peines lorsqu'ils désobéissent à vos lois. Hein? Donc où est-ce qu'elle est la logique? Et si jamais un criminel, il se fait jamais attraper dans cette vie d'ici-bas, et qu'il va jamais en prison pour le mal qu'il a fait, et que l'honnête citoyen qui a jamais rien fait de mal, on l'accuse faussement et qu'on le met en prison toute sa vie, et qu'il meurt en prison, où est-ce qu'elle est la justice là-dedans? Ça, vous êtes capable de reconnaître que c'est une injustice. Hein? Et comme ça, vous n'êtes pas capable de comprendre que dans l'au-delà, il doit y avoir la justice, et que Allah, il ne peut pas mettre le bien et le mal à égalité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Qalam, versets 35 et 36, est-ce qu'on va mettre le musulman et on va le traiter comme le criminel? Comment vous jugez? Ma'alakum, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Hein? Afin d'aj'alou al-muslimina kal-mujrimin, est-ce qu'on va traiter les musulmans comme les criminels? Et le verset 21 dans Surat Al-Jasiyah. Tantôt on a lu le verset 24 dans Surat Al-Jasiyah. Maintenant c'est le verset 21 qui dit: est-ce que ceux qui ont fait des mauvaises œuvres, ils s'imaginent qu'on va les traiter de la même manière que ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, et qu'ils seront égaux dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Hein? Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas traiter les gens de la même manière. Il va pas traiter les croyants qui ont fait le bien, qui ont été obéissants, de la même manière que les criminels qui ont rejeté la foi en Allah, qui ont fait le mal, qui ont fait le désordre sur la terre. Hein? Parce que Allah, il est juste. Hein? Et il mentionne le verset 28 dans Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: est-ce qu'on va traiter ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres comme les gens qui font le désordre sur la terre? Et est-ce qu'on va traiter les pieux, les vertueux, hein, comme ceux qui sont pervers et qui font des péchés? Donc ça, c'est pour dire que ça, c'est absurde. C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala traite ces personnes-là de la même manière et qu'il les mette au même niveau. Hein? Et si quelqu'un pense que ça c'est acceptable, alors il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala de l'injustice. Et ça c'est inacceptable et c'est incorrect. Et il est obligatoire de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection de ce genre. Ensuite, le cheikh il explique l'autre partie où le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: Bal arsala ilayna rasoulan. Il nous a envoyé un messager. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour rien. Il nous a envoyé des messagers. لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو التقليد أو تقليد فلان وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالعبادة توقيفية والبدع مردودة والخرافات مردودة والتقليد الأعمى مرفوض لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit, étant donné qu'on n'a pas le droit d'adorer Allah excepté par ce qu'il a révélé, hein, on n'a pas le droit d'adorer Allah par notre propre jugement. On décide qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon par nous-mêmes. Ou bien on suit un tel ou un tel aveuglément. On suit nos parents, on suit nos ancêtres, on suit les gens, qu'est-ce qu'ils font dans notre pays ou dans notre village, dans notre... Hein? Ça, c'est pas correct. On peut pas se baser sur ça pour adorer Allah. Donc, étant donné que c'est comme ça, étant donné que Allah veut qu'on l'adore d'une manière spécifique, il nous a envoyé des messagers pour nous expliquer comment on doit l'adorer. Et donc, les adorations qu'on fait pour Allah, elles sont tawqifiyah, dans le sens qu'elles doivent être faites selon la révélation. Et on doit s'arrêter à l'adoration dans notre adoration à ce que Allah nous a enseigné et nous a révélé par l'intermédiaire de ses messagers. Donc, les adorations qu'on fait pour Allah, elles sont tawqifiyya. Ce qu'on dit tawqifiyya, ça veut dire il faut que tu te bases sur la révélation pour la faire. Tu ne peux pas te baser sur tes goûts, tes sentiments, tes émotions, tes expériences, tes propres jugements, tes origines, ta coutume, tes traditions ou autres. Tu dois uniquement te baser sur les textes authentiques du Coran et de la Sunna. De la Sunna et du Coran. Donc, le Cheikh, il dit que Allah nous a envoyé des messagers et donc on doit établir notre adoration sur ce que les messagers ont amené. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la sagesse pour laquelle il a envoyé les messagers. Pour clarifier pour les hommes comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour leur interdire le shirk et le kufr que les hommes font avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la tâche des messagers, alayhi mustalatu wassalam. Et c'est pour cette raison-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit que celui qui fait une action qui n'est pas basée sur ce qu'il a amené, qui ne vient pas de la religion, alors cette chose-là, elle sera rejetée. Si quelqu'un fait une action qui n'est pas basée sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené dans la sharia, alors ce sera rejeté. Parce que les adorations doivent se baser sur la révélation seulement. Et si ce sont des innovations, c'est-à-dire des choses que les hommes ont inventées dans la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est rejeté. C'est quelque chose qui ne sera pas accepté par Allah. C'est-à-dire tu vas le faire, tu vas aller faire ces adorations-là, mais tu ne seras pas récompensé. Même tu vas être puni, parce qu'elles ne sont pas faites correctement. Elles ne sont pas faites selon les conditions. Donc ça sert à rien de se dépêcher ou de se forcer ou de faire beaucoup d'efforts ou d'essayer de se fatiguer à faire beaucoup de choses si on n'est pas certain que cette chose-là, elle est correcte et révélée par Allah et son messager dans la révélation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Parce que sinon, même si tu le fais jour et nuit pendant des années et que tu te fatigues à le faire, tu sais que tu n'auras aucune récompense d'Allah pour l'avoir fait. Comme les superstitions, les innovations, les traditions et les coutumes que les gens suivent aveuglément, tout ça se sera rejeté. On doit uniquement prendre l'adoration de la sharia que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée par l'intermédiaire de son messager. Et c'est pour ça que le cheikh il dit donc bal arsala ilayna rasulan, il nous a envoyé un messager. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Celui qui l'obéit, il va entrer au paradis, et celui qui désobéit à ce messager, il va rentrer en enfer. Et le cheikh explique, بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَرْسَلَهُ لِيُبَيِّنَ لَنَا لِمَاذَا خُلِقْنَا وَيُبَيِّنُ لَنَا كيف نعبد الله عز وجل وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وبين ووضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهذا كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit, il nous a certes envoyé un messager. Et il dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui le sceau qui vient sceller la prophétie, qui vient la terminer. C'est lui que Allah a envoyé, le dernier d'entre tous les messagers, pour nous clarifier et pour nous expliquer pourquoi on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous expliquer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous interdire le shirk et le kufr et les péchés, le shirk, le fait d'associer avec Allah dans l'adoration ou dans la croyance, le fait de renier Allah subhanahu wa ta'ala ou de ses attributs et le fait de désobéir à ses ordres. Donc il nous a interdit tout ça. Et ça, c'est la tâche du messager. Et il nous a transmis la révélation d'une transmission qui est claire. Et il a rempli son devoir et son dépôt que Allah lui avait chargé de transmettre. Et il a été sincère envers la Ummah. Il leur a dit tout ce qui était bon pour eux. Il leur a fait connaître tout ce qui était bon et il les a avertis contre tout ce qui était mauvais pour eux. Et il leur a clarifié et expliqué clairement tout ce qu'ils devaient connaître par rapport à la religion d'Allah. Et il nous a laissé, hein, lorsqu'il est mort, il nous a laissé, alayhi salatu wassalam, sur une voie claire et blanche. Hein. Sa nuit est comme son jour, aussi claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, de doute, hein, et de choses obscures. Hein. Et personne ne s'en écarte, ou ne s'en détourne, ou n'en dévie, excepté qu'il est perdant, et qu'il se perd, et qu'il est dans la perdition. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le Cheikh dit, dans le verset 3, au surat al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé ce messager-là. Et il dit قوله من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة ومن عصاه أي فيما نهى عنه دخل النار. وهذا مصداق كثير من وهذا مصداقه كثير في القرآن. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى ودخل الجنة ومن عصاه ضل ودخل النار. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le cheikh il explique que celui qui obéit au messager, c'est-à-dire dans ce que le messager a ordonné, il entre au paradis. Et celui qui désobéit, alors il désobéit, c'est-à-dire celui qui désobéit dans ce que Allah a interdit, il rentre en enfer. Et ça vient confirmer, c'est confirmé par plusieurs versets dans le Coran. Comme le verset 80 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Wa man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Et le verset 64 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Et le verset 54 dans Surat An-Nur, qala subhanahu وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. C'est-à-dire, si vous obéissez au messager, vous serez bien guidé. Et le verset 56 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et obéissez au messager pour que Allah vous fasse miséricorde. Et il dit que, également, celui qui obéit au messager, il va être bien guidé, il va rentrer au paradis. Et celui qui désobéit au messager, il va s'égarer, il va rentrer en enfer. Et la preuve, c'est le hadith également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chacun d'entre vous va rentrer au paradis, excepté celui qui refuse. Et les sahabes ont dit au messager d'Allah, et qui va refuser? Il a dit, celui qui m'obéit, il entre au paradis. Et celui qui me désobéit, alors il a certes refusé. Donc ça veut dire que celui qui refuse d'obéir au messager, c'est comme s'il refusait d'entrer au paradis. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Wa qawluhu, Aba, ay, Aba, an yadkhul al-jannah. Wa qal, صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. الشيخ الزي Donc, quand on dit refuser, ça veut dire il refuse de rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith rapporté selon Muslim, par Abi Huraira. Naam. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, nul ou aucun d'entre les juifs ou les chrétiens n'entendra parler de moi, puis mourra sans avoir cru en ce que j'ai amené. Ou mourra sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer ou qu'il rentrera dans l'enfer. C'est-à-dire si un juif ou un chrétien qui entend parler de l'islam, qui entend parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui refuse de croire en ce qu'il a amené et qu'il meurt dans cet état-là, il sera parmi les gens de l'enfer. Donc celui qui obéit, quand on dit celui qui obéit au messager rentre au paradis, celui qui désobéit rentre en enfer, on parle d'obéir dans la base du message. Walaykoum salam wa rahmatullah. Dans la base du message. Et celui qui désobéit dans la base du message, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala unique, et de ne pas faire le shirk, et d'accepter la prophétie du messager sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un messager d'Allah, celui qui désobéit là-dedans, ça c'est sûr qu'il sera en enfer pour l'éternité. Toutefois, si quelqu'un il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala unique, il n'a pas fait de shirk, hein, et qu'il a, cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un messager d'Allah véridique, mais qu'il a désobéi dans certaines choses, qu'il a commis quelques péchés, dans ce cas-là, s'il entre en enfer, s'il rentre en enfer, comme les ulama de Ahl al-Sunnah l'ont expliqué avec les preuves du Coran et de la Sunnah, c'est que celui parmi les musulmans qui meurt sur des grands péchés, il n'est pas nécessairement en enfer pour l'éternité. On ne dit pas qu'il sera en enfer pour l'éternité. Ceux qui disent qu'il sera en enfer pour l'éternité, c'est les Khawarij et les Mu'tazila, les gens d'égarement. Tandis que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que la personne qui meurt en commettant des grands péchés parmi les musulmans et qui ne s'est pas repenti avant sa mort, tant que son péché n'a pas atteint le degré de shirk akbar ou de kufr akbar, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut le pardonner, il le pardonne et il lui fait rentrer au paradis direct. Il lui efface ses péchés. Et s'il veut le punir, il le punit par sa justice, mais même s'il entre en enfer, il ne rentrera pas éternellement en enfer. Il va rester en enfer pour un temps, puis quand Allah va décider de le faire sortir, il va le faire sortir par sa miséricorde et par l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Hein, soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien l'intercesseur des hommes pieux ou des autres prophètes ou des comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans les hadiths authentiques à ce sujet-là. Donc il faut comprendre que quand on dit ça, celui qui obéit au messager il entre au paradis, celui qui désobéit il va en enfer, il faut distinguer entre celui qui désobéit au messager dans la base de l'islam, c'est-à-dire lui c'est un kafir, un mushrik, et celui qui désobéit au messager, non pas dans la base du message de l'islam, mais dans des éléments qui font partie de l'islam, mais qui sont des péchés seulement, ou des kaba'ir, ou des sara'ir. Dans ce cas-là, il n'est pas menacé de l'enfer éternel. Toutefois, il risque quand même d'être en enfer aussi, sauf que, bien entendu, il ne sera pas puni comme les mouchriquins et les koufars qui ont rejeté le message en entier. Donc on va s'arrêter ici. Wa alaykoum salam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inchallah, puis on continuera au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.